Ah ouais, putain, mais il faut un casque, sinon c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec le micro, là. Thank you. C'est quoi cette merde? Ouais. Ça marche. Thank you.